Opportunity to come, Lord, at your feet. Oh Lord, thank you for the grace that is in your throne to be found, oh Lord. In the time of needs, Father, we need you. We are in the time of our needs. Father, thank you that you meet us. You meet our need this evening in the name of Jesus. Father, you know what we are lacking. And what, Lord, in the name of Jesus, we need to change so that, Lord, we receive your blessings, so that we'll be called indeed blessed. Lord, we thank you for your grace and for your mercy. Have mercy on us, O Lord. In the name of Jesus, we have offended you, Lord, in many ways. But here we are by your grace. Let the blood of Jesus cleanse us, wash us, O Lord, and make us worthy to stand in your presence this evening. In the name of Jesus, Father, we thank you. And everyone say, amen. Amen. Hallelujah. The sound is sound something. Hallelujah. Amen. I'm happy to see you all here this evening. Je suis content de vous voir tous ce soir. Hallelujah. Amen. Our pastor is not here this evening. Notre pasteur n'est pas ici ce soir. He's not in Ghana. Il n'est pas au Ghana. Hallelujah. Amen. So we should remember him in our prayer. Donc souvenons de lui dans nos prières. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, this evening we are going to look at a very important subject. Ce soir, nous allons voir un sujet très important. Amen. Amen. A subject that we need to know. Un sujet que nous devons connaître. A subject that we need to apply. Un sujet que nous devons appliquer. A subject that we need to live according to. Un sujet selon lequel nous devons vivre. Hallelujah. Amen. It is a subject of loyalty and disloyalty. C'est le sujet de la loyauté et de la déloyauté. Hallelujah. In 1 Corinthians 4, dans 1 Corinthiens 4, verse 2, verset 2, we are reading the Bible. Nous lisons la Bible. Do you have your Bible? Avez-vous vos Bibles? Okay, if you have your Bible, take it. Si tu as ta Bible, prends-la. And let's read together 1 Corinthians 4. Et lisons ensemble 1 Corinthiens 4. Verse. Moreover, it is required of stewards that they be found faithful. Verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alléluia. Amen. If I look at the congregation, si je regarde la congrégation, there are many new people among us. Il y a plusieurs nouvelles personnes parmi nous. Hallelujah. Amen. People who are not familiar with the subject. Les gens qui ne sont pas familiers avec le sujet. Amen. Amen. That is why we need to look at it. Voilà pourquoi nous devons voir cela. And even those who know it. Et même il y a ceux qui le connaissent. We need to listen to it again. Nous devons l'écouter encore. And look at it again. Et le revoir. Hallelujah. Amen. Loyalty and disloyalty. Loyauté et déloyauté. When we talk about loyalty, quand nous parlons de loyauté, we talk about faithfulness. Nous parlons de fidélité. Hallelujah. Amen. And when we say that you are faithful, et quand nous disons que tu es fidèle, that means you are constant. Ça veut dire que tu es constant. Hallelujah. Amen. You are trustworthy. Tu es digne de confiance. Amen. Amen. You don't change over time. Tu ne changes pas avec le temps. Amen. Amen. Are you listening to the word? Est-ce que vous écoutez la parole? And the Bible is saying that. Et la Bible dit que. What is required from us? Ce qu'on nous demande as Christian, en tant que chrétien is faithfulness. C'est la fidélité. Amen. Amen. And who knows that God is faithful? Et qui connaît que Dieu est fidèle? Yeah, he is faithful. Il est fidèle. And he wants us as children of his to be faithful too. Il veut qu'en tant que ses enfants nous soyons aussi fidèles. Amen. Amen. So as we are going to, it's not the loyalty itself that we are going to talk about, but we are going to talk about the signs of disloyalty. Nous allons pas parler en particulier de la loyauté, mais nous allons voir les signes de la déloyauté. Alléluia. Amen. Okay, what somebody can use to describe you as unfaithful or disloyal? Ce que quelqu'un peut utiliser pour te décrire comme une personne déloyale ou infidèle. Amen. Amen. So as we read it in 1 Corinthians 4, 2. Comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens 4, 2. It is a requirement. C'est une demande. Amen. If you are a Christian, it is a requirement. Si tu es un chrétien, c'est demandé. But as I said, we are going to see the sign of disloyalty. Mais comme j'ai dit, nous allons voir les signes de la déloyauté. And when we talk about disloyalty, et quand nous parlons de la déloyauté, is the opposite. C'est l'opposé. Of being loyal. D'être loyal. Amen. Amen. So, talking about disloyalty can help us to be loyal. Donc, en parlant de la déloyauté, ça va nous aider à être loyaux. Okay, the first thing that sign that we are going to see this evening. Le premier signe que nous allons voir ce soir. Is a leader who disappoints you in time of pressure or crisis. C'est un leader qui te déçoit, qui t'abandonne en temps de crise. Amen. Amen. When we talk about crisis, quand nous parlons de crise, or pressure, ou de pression, it is a situation in which somebody can be found. Quand nous parlons, c'est une situation dans laquelle quelqu'un peut être trouvé. And that person normally need a support. Et cette personne a normalement besoin d'un soutien. Of those who are with him. De ceux qui sont avec lui. Or with those who are staying with him. Ou de ceux qui restent avec lui. Alléluia. Amen. So, when there is a pressure. Donc, quand il y a une pression. How can we notice those who are loyal? Comment pouvons-nous remarquer ceux qui sont loyaux? And those who are disloyal. Et ceux qui sont déloyaux. Have you been ever in a crisis or a pressure? Avez-vous déjà été dans une crise ou une pression? Have you been there? Avez-vous été là-bas? Okay. But have you been beside somebody who is in crisis? Avez-vous été auprès de quelqu'un who qui is est en under crise pressure? Ou d'une personne qui est sous pression? When we talking about this church, I want to talk about Lighthouse. Je veux parler de Lighthouse. The beginning of Lighthouse was not easy at all. Le commencement de Lighthouse n'était pas facile du tout. And the church went through many pressures. Et l'église est passée à travers beaucoup and de pressions et de crises. And Bishop gave us an example of, or one of the examples. Et l'évêque nous a donné l'un des exemples. And it was about what happened in Collegono. C'était au sujet de ce qui s'est passé à Collegono. And many here don't know Collegono. Et beaucoup ici ne connaissent pas Collegono. That's where they have started the church. C'est là où nous avons commencé l'église. Talking about the building. En parlant de bâtiment. The church doesn't start from, in fact, there. Parce qu'en fait, l'église ne commence pas de là-bas. So they were attacked one day. Donc ils ont été attaqués un jour. I was saying that when somebody is under pressure or in crisis, je disais que quand quelqu'un est sous pression ou en crise, his expectation is the support of those who are with him. Il s'attend à ce que ceux qui sont avec lui le supportent, le soutiennent. But what happened that day is, mais ce qui se passe ce jour, the time that he needed some people most, que le jour où il avait plus besoin de certaines personnes, they were not present. Ces personnes n'étaient pas présentes. They didn't show up. Elles ne se sont pas montrées. Hallelujah. Amen. And when you find yourself, et quand tu te retrouves in that situation, dans cette situation, it is not something that is easily taken off. Or taking, or you can live with. Quand tu te retrouves dans cette situation, c'est pas quelque chose que tu, avec lequel tu peux facilement vivre. Amen. Amen. So when like you and your sister. Donc par exemple toi et ta sœur. Or you are living with your father. Ou alors tu vis avec ton père. I'm going to ask you a question, a simple question. Je vais te poser une question très simple. When your father maybe is in crisis. When we talk about father being through a crisis, is maybe he doesn't have money to support. Quand nous, quand ton père est par exemple en crise, c'est-à-dire il n'a pas de l'argent pour te supporter. Maybe you are here in Ghana. Peut-être tu es ici au Ghana. Your parents are in your country. Tes parents sont dans ton pays. They send you. C'est eux qui t'ont envoyé. And they have been sending money to you. Et ce sont eux qui t'envoient de l'argent. But one day. Mais un jour. Where you needed some cash. Quand tu avais besoin de du cash. You call. Tu as appelé. And they told you that my son. Et ils t'ont dit mon fils. Or my daughter. Ou ma fille. Where we are now. Où nous sommes maintenant. It is not easy for us. C'est pas facile pour nous. My question to you is, how do you react? Ma question pour vous c'est comment est-ce que vous réagissez? Do you start insulting your parents? Est-ce que tu commences à insulter ton père? Ta mère. Telling them all sorts of things. Tu commences à leur dire toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. What we must understand and know in life. Ce que nous devons comprendre dans la vie. Is that there are crises. C'est qu'il y a des crises. One day you'll be under pressure. Tu seras sous pression. So when your father, for instance, has a problem. Donc quand ton père, par exemple, a un problème. And genuinely, he has a problem. Sincèrement, il a un problème. And he call you, tell you that. Il t'appelle pour te dire que mon fils, ma fille, voici la situation. What you must do as a Christian. Ce que tu dois faire en tant que chrétien. Is to support your father. C'est de supporter ton père. To tell your father that, father, I'll pray for you. Que Père, je vais prier pour toi. And I know that God will change the situation. Je sais que Dieu va changer la situation. Hallelujah. Amen. Instead of reacting in the manner that we can describe as impolite. Au lieu de réagir d'une manière qu'on peut décrire comme impoli. What we need to do is to pray. Ce que tu dois faire, c'est prier. Is to show them our support. C'est de leur montrer notre support. To show them that we understand their situation. De leur montrer que nous comprenons leur situation. To be present, to be there for them. D'être présent et d'être là pour eux. Not to leave them. Et non de les quitter. Alléluia. Amen. Is somebody understanding? Est-ce que quelqu'un comprend? When somebody is under pressure. Quand quelqu'un est sous pression. We don't leave. Nous ne quittons pas. Amen. Amen. Because when the situation was okay, parce que quand la situation était okay, you were happy. Tu étais content. You were laughing. Tu riais. We can see your teeth. On pouvait voir tes dents. Uh-huh. So when the situation changed too, maintenant quand la situation change aussi, you must be there. Tu dois être là. Show the person that you are faithful. Montre à la personne que tu es fidèle. It's the same thing as maybe beloved or you are married. C'est la même chose en tant que beloved ou alors si vous êtes marié. One thing that I want us to understand. Une chose que je voudrais que nous comprenions. When we are talking about these things. Quand nous parlons de ces choses. When you listen and you listen well. Quand tu écoutes et tu écoutes très bien. You will see that it is something that will take you far away. Tu vas voir que c'est quelque chose qui va t'emmener loin. Something that will be a blessing to you one day. Quelque chose qui sera une bénédiction pour toi un jour. Amen. Amen. We are talking about signs and we are talking about loyalty. Nous parlons des signes et nous parlons de la loyauté. If you don't learn. Si tu n'apprends pas how to support comment supporter somebody quelqu'un who is in crisis qui est en crise or who is under pressure ou qui est sous pression one day when un you jour, are married quand tu seras marié and your husband or your wife et ton mari ou ta femme is under pressure il est sous pression will you leave vas-tu quitter. And I'm sure that if you don't learn it now, et je suis sûr que si nous l'apprenons pas maintenant, when it will happen, quand ça va se produire, you pack your things, tu vas arranger tes bagages, and you say that I'm going back, et tu vas dire je retourne. Hallelujah. Amen. I was saying that in life there are crises. Je disais que dans la vie il y a des crises. And we must learn how. Nous devons to apprendre stay comment with anyone or either our friend. Comment demeurer our avec church, toute personne, our wife, our husband, que ce soit notre frère, notre église, notre mari, we notre must femme. Learn how to give them a good support. Nous devons apprendre à leur donner du support. How to encourage them. Comment les encourager. How to stay. Comment demeurer. And not leave. Et ne pas quitter. Amen. Amen. Are we learning? Est-ce que nous apprenons? The second sign. Le deuxième signe. So what we must know for the first sign is when somebody or church or husband or wife is under pressure and you leave. Ce que nous devons apprendre du premier signe c'est que quand quelqu'un clear sign that you are disloyal. Quand quelqu'un est en crise et tu quittes, c'est un signe très clair que tu es déloyal. You are disloyal. Tu es déloyal. You are not loyal to the person. Tu n'es pas loyal à la personne. That is why when he was voilà pourquoi or she was, quand elle était ou il était, under pressure or in crisis, ou en crise, you left tu as quitté, her or him. Tu l'as quitté. The second sign, le deuxième signe, that shows that you are disloyal, qui montre que tu es déloyal, is a leader. And when we are talking about leaders, quand nous parlons de leaders, please, s'il vous plaît, don't say in your mind that I'm not a leader. Ne dis pas dans ta tête que tu n'es pas un leader. And saying that it doesn't concern me. Et dire que ça ne te concerne pas. When we are talking about leaders, it's as the same as Christians. Quand nous parlons de leaders, c'est la même chose que chrétiens. Are you getting me? Est-ce que vous comprenez? Okay, so excuse me. Donc, excusez-moi. The word leaders. D'utiliser le mot leader. And I believe that one day you too will be a leader. Et je crois qu'un jour toi aussi tu seras un leader. Amen me. Amen. Amen. Amen. So, excuse me, allow me to use leaders. Donc excuse-moi, permets-moi d'utiliser leader. I'm talking about you. Je parle de toi. You too. Toi aussi. In particular. En particulier. You who is not yet a leader. Toi qui n'es pas encore un leader. Amen. By the way, you are a leader of your own life. Et pendant que nous y sommes, tu es le leader de ta propre vie. So it concerns you. Donc ça te concerne. So the second sign is a leader who disappoints you when they are under pressure or when he is under pressure. Le deuxième signe, c'est un leader qui te déçoit quand il est sous pression. A leader. Un leader. Or leaders who disappoint, des leaders qui te déçoivent, when they are under pressure, quand ils sont sous pression. The first one, la première is chose, when somebody is under pressure and you disappoint the person. La première chose, c'est quand une this personne, time is you yourself, you are under pressure. Ok, la première chose, c'est quand quelqu'un est sous pression et tu quittes la personne. Et la deuxième chose, c'est quand toi-même tu es sous pression. When you are under pressure, quand tu es sous pression, maybe you don't have money, peut-être tu n'as pas d'argent, to come to church, venir à l'église, or maybe you have been asking God about some things, ou alors tu ne fais que demander à Dieu, you have been praying, choses. Tu ne fais que prier about some needs, au sujet de certains besoins. And it's like God is not answering you. Et c'est comme si Dieu ne répondait pas. And I was talking about you not having money. Et je parlais de toi qui n'as pas de l'argent. And you have to come to church. Et tu dois venir à l'église. Will you stay home? Vas-tu rester à la maison? Because you don't have money. Parce que tu n'as pas d'argent. Or will you find a way of coming to church? Ou tu vas trouver un moyen de venir à l'église? It's a question. C'est une question. So the time that you don't have money, donc le moment où tu n'as pas d'argent, is a situation of crisis, c'est une situation de crise, or of pressure, ou de pression. Because when you look at your way, parce que quand tu regardes coming to church, ton chemin pour venir à l'église, it's not easy at all. C'est pas facile du tout. But if you are a loyal person, mais si tu es une personne loyale, you find your way. Tu vas trouver un chemin. Maybe you will call a brother peut-être or a sister. Peut-être tu appeler un frère ou une sœur. To tell the sister or a brother that I need to come to church. Pour dire au frère ou à la sœur que je dois venir à you l'église. You will by all means find your way to come to church. Tu vas forcément trouver un moyen d'arriver à l'église. Because you are a loyal person. Parce que tu es une personne loyale. And when we are talking about, I was talking about somebody who had been praying, for instance. Et quand je parlais d'une personne qui priait, asking God some things, et en demandant à Dieu certaines choses, and it seems like God is not answering you, et il semble que Dieu ne répond pas, will you leave God? Vas-tu quitter Dieu? Because he's not answering you. Parce qu'il ne te répond pas. Will you stop praying? Vas-tu arrêter de prier? Will you stop doing what you have been doing for God? Vas-tu arrêter de faire ce que tu faisais? Because it seems like you are not getting what you need. Parce qu'il semble que tu n'as pas ce dont tu as besoin. And when you leave, et quand tu pars, or you stop doing what you have been doing, ou tu arrêtes de faire ce que tu faisais, because God is not answering you, parce que Dieu ne te répond pas, that shows that you are not loyal. Ça montre que tu n'es pas loyal. Amen. Amen. You are not loyal. Tu n'es pas loyal. We worship God not because of what we are gaining from him. Nous adorons Dieu pas à cause de ce que nous recevons de lui. Or what we get from him. Ou alors de ce que nous recevrons de lui. We are worshiping him because we know that he is our God. Nous l'adorons parce que nous savons qu'il est notre Dieu. And he is more than able. Il est plus que capable. And even if we don't have what we are asking him now. Et même si nous n'avons pas ce que nous lui demandons maintenant. We know that he is still faithful. Nous savons qu'il est toujours fidèle. Hallelujah. Amen. So we shouldn't allow our circumstances, our crises. Donc nous ne devons pas permettre à nos circonstances. Or our situations. Ou à nos situations. That we have. Que nous avons. To withdraw us from our God. De nous retirer de notre Dieu. Or withdraw us from church. Ou de nous retirer de l'église. Hallelujah. Amen. Sometimes it's offenses. Parfois ce sont les offenses. Yeah, you are under pressure. Tu es sous pression. A brother or a sister has offended you. Un frère ou une sœur t'a offensé. Will you stop coming to church? Vas-tu arrêter de venir à l'église? Because of the offenses. À cause de l'offense? Or will you continue coming to church? Ou vas-tu continuer à venir à l'église? Yeah, we need to continue doing what we are doing. Nous devons continuer de faire ce que nous faisons. Whatever is happening in our life. Quel que soit ce qui se passe dans nos vies. Do you know that sometimes when Pastor Sam comes here? Est-ce que vous savez que parfois quand Pasteur Sam vient ici? To preach to us. Pour nous prêcher la parole. He may be under pressure. Il peut être sous pression. Because if you know the kind of work that he does. Parce que si tu connais le type de travail qu'il fait. It's a lot of pressure. C'est trop de pression. Because you have to finish this, go there, train these people and do many things. Tu dois finir ça, si aller là-bas, entraîner beaucoup de personnes et plusieurs choses. But he knows that it is his duty. Mais il sait que c'est son devoir. To continue serving God in spite of all the pressures. And the crisis. De continuer à servir Dieu malgré toutes les pressions et les crises. Hallelujah. Amen. So I think that we should rise up. Donc je crois que nous devons nous lever. And do the same thing. Et faire la même chose. Hallelujah. Amen. We shouldn't allow what is happening in our life. Nous ne devons pas permettre à ce qui se passe dans nos vies. To prevent us from serving God. De nous empêcher de servir Dieu. Let's look at the reward that is ahead of us. Fixons nos yeux sur la récompense qui est devant nous. And overcome the crisis. Et surmontons la crise. And overcome the pressures. Et surmonter la pression. Hallelujah. Amen. Don't quick. Ne quitte Tell pas. Your brother or your sister that don't quick. Dis à ton frère ou à ta sœur, ne quitte pas. Don't quick because of the pressure. Ne quitte pas à cause de la pression. Don't quit because of the crisis. Ne quitte pas à cause de la crise. God remain God. Dieu reste Dieu. In spite of your situation. En dépit de ta situation. Those who are there. Ceux qui sont are là. You not telling your brother? I say, tell your brother J'ai dit and your sister that. Et à ta sœur. Don't quit. Que ne quitte pas. Tell him or her that I don't know what is happening in your life. Dis-lui que tu ne... Maybe there is pressures, or there are pressures in your life. Peut-être il y a la pression dans ta vie. But don't quit. Mais ne quitte pas. Encourage your brother or your sister. Dis à ton frère. It is encouragement that we are giving to each other. C'est un encouragement que nous nous donnons. Hallelujah. Amen. Are you encouraged? Êtes-vous encouragé? Hallelujah. Amen. In spite of our circumstances. Malgré nos circonstances. And our pressures. Et nos pressions. And crises. Et nos God crises. Remain God. Dieu reste Dieu. Amen. Amen. He remain God. Il reste Dieu. The third sign is a leader who does say amen. C'est un leader qui ne dit pas amen. Or smile whilst you are preaching. Ou ne sourit pas pendant que tu prêches. Or whilst Pastor Sam is preaching. Ou alors quand Pasteur Sam prêche. You don't say amen. Tu ne dis pas amen. You don't smile. Tu ne souris pas. Hey, You squeeze your face. Tu as marre ton visage. Alléluia. Amen. One thing that we must learn. Une chose que nous devons apprendre. Is to say amen. C'est de dire amen. Let the church say amen. Que l'église dise amen. When the Pastor Sam is preaching, quand Pasteur Sam prêche, or when preaching is going on, ou quand la prédication se déroule, say amen. Dire is, amen. Is agreeing. C'est être d'accord. With the preaching. Avec la prédication. Hallelujah. Amen. So the church must learn to say amen. Donc l'église doit apprendre à dire amen. Hallelujah. Amen. Abelenkwe Church must learn to say amen. Doit apprendre à dire amen. Because most of the time, parce que la plupart du when temps, Pastor Sam is preaching, quand Pastor Sam prêche, and he says amen, et il dit amen, it's a few persons. C'est juste quelques personnes. One person there, une personne là, two here, deux ici, and two and half here, et deux et demi là-bas. Which is very bad. C'est très mauvais. Hallelujah. Amen. Which is very bad. Ce qui est très mauvais. Saying amen, you are supporting the preacher. Dire amen, tu, when you say tu amen, supportes le prédicateur. It's a support that you are giving to a preacher. Quand tu dis amen, c'est un support que tu donnes au not prédicateur. Not only support, pas seulement but le support, you are agreeing with what he is preaching. Mais tu t'accordes avec ce qu'il prêche et ce qu'il dit. And saying amen to, et dire amen aussi, is receiving c'est recevoir the prophecy. La prophétie. Do you know that the word of God is a prophecy? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu c'est une prophétie? It is a prophecy. C'est une prophétie. And it is the prophecy that you believe. Et c'est la prophétie en laquelle tu crois. That is what will happen to you. C'est ce qui va t'arriver. Hallelujah. Amen. Abelenkwe Church must learn to say doit apprendre amen. À dire amen. So, donc, from this Sunday coming, donc, when Pastor Sam will say amen, quand Pasteur Sam va dire what amen, should be our answer? Qu'est-ce qui doit être notre réponse? Ça doit être Hallelujah. Amen. Let us become a practice in Abelenkwe Church. Amen. Que ça soit une pratique. Let's support the preaching. Supportons la prédication. Hallelujah. Amen. By saying amen. En disant amen. And I think that you see we are few. Et vous savez nous but sommes peu. But we are not all that few this evening. Mais nous ne sommes pas si peu que ça ce soir. And the number that we have here. Et le nombre que nous avons ici. On Sunday. Si le dimanche. We all responded. All respond amen. Nous répondons tous amen. When Pastor Sam is preaching, quand Pastor Sam prêche, it will affect others. Ça va affecter les autres. And they will learn. Et ils vont apprendre. How to respond when the preaching is going on. Comment répondre quand la prédication se or déroule. Or when the preacher say amen. Ou quand le prédicateur dit amen. Hallelujah. Amen. And we must smile. Et nous devons sourire. We must learn how to smile. Nous devons apprendre à sourire. Amen. Amen. Don't make your face like. Ne rends pas ton visage comme si. Somebody has put a lemon juice. Lemon juice. Why you have taken a lemon juice? Have you ever taken a lemon juice without sugar? Avez-vous without déjà sugar? Bu un jus de citron sans sucre? Without sugar. Sans sucre. Without sugar. Sans sucre. You don't add sugar to it and you take it. Tu ne mets pas du sucre à l'intérieur et tu prends ça. As it is. Comme c'est. You see how often you make your face. Tu vois un peu comment tu as ton visage. Don't make your face like that when you are listening to a preacher. Ne fais pas ce visage là quand tu écoutes un prédicateur. When you are listening to a preaching. Ou quand tu écoutes une prédication. Smile. Souris. Yeah. Hallelujah. Amen. It encourages the preacher. Ça encourage le prédicateur. Hallelujah. Amen. instead of squeezing your face. Au lieu d'amarrer ton visage. So from today, donc à partir d'aujourd'hui, there will not be any squeeze face. Il n'y aura plus de face amarrée. Alléluia. Amen. Amen. Amen. The second sign, le deuxième signe, which shows that you are disloyal, qui montre que tu es déloyal, is when you don't pay your tithe. C'est quand tu ne payes pas ta dîme. Or you don't pay your offering. Ou tu ne donnes pas ton offrande. Amen. Amen. It's a clear sign that you are disloyal. C'est un signe très clair que tu es déloyal. And I know that for some weeks now. Et je sais que de certaines façons maintenant. Some weeks. Oh, this. Yeah, cela quelques semaines maintenant. And I think, yeah, for the last month. Le mois passé. Pastor Sam has been preaching about tithing. Pastor Sam a prêché sur la dîme. And I believe. Et je crois. That all of us here. Que nous tous ici. We are tithers. Nous payons nos dîmes. If not. Sinon. You are disobeying the word of God. Tu désobéis la parole de Dieu. I was chatting with some people last time. I told them that I received a message. Je parlais avec certaines personnes la dernière fois et je leur ai dit que j'ai reçu un message d'une certaine femme. Saying that the pastor who are taking tithe. Et elle disait que les pasteurs qui reçoivent la dîme, ce sont des voleurs. Hallelujah. Amen. So by the grace of God. Donc par la grâce de Dieu. Because I have been looking for an opportunity to answer her. Parce que j'ai attendu une opportunité so, de lui répondre. Yesterday, donc hier, I got the opportunity. J'ai eu l'opportunité to answer her. De lui répondre. So I told her that have you ever read or seen a name of a pastor who wrote a Bible? Je lui ai demandé, as-tu déjà vu le nom d'un pasteur qui a écrit la Bible? That is my first question to her. Ça, c'était ma première question. So, if you never heard or read at a certain place that this is a written of a pastor about the tithe, so why are you saying that we Christians, as we are, and our duty is to obey the word of God? And as we are paying our tithes, you are saying that the pastors are thieves. Je lui ai demandé, as-tu déjà lu quelque part que cette partie de la Bible a été écrite par ce pasteur? Mais si tu ne l'as jamais fait, pourquoi est-ce que tu dis que en tant que chrétien, quand nous payons la dîme, les pasteurs nous volent? The second answer that I gave to her. Et la deuxième réponse. She must know that when we are paying tithes, c'est que quand nous payons la dîme, we are honoring God. Nous honorons Dieu. Yeah. It is in the scripture. C'est dans les écritures. We are honoring him. Nous l'honorons. We are not paying any pastor. Nous ne payons aucun pasteur. It's not because a pastor asks us to pay our tithes. Pas parce qu'un pasteur nous a demandé de payer la dîme. But we are obeying the word of God. Mais nous obéissons à la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. And we know that there's a blessing in obeying the word of God. Il y a une bénédiction qui vient quand tu obéis la parole de Dieu. Hallelujah. Amen. I will not tell you the rest. Je ne vais pas vous dire le reste. But her answer to me. Mais sa réponse qu'elle m'a donnée. Is. I've listened to you. C'est je t'ai écouté. And she didn't comment. Et elle n'a pas commenté. Hallelujah. Amen. Because I didn't just send her a word, but I added scriptures. Parce que je l'ai pas juste envoyé une parole, mais j'ai ajouté des versets qu'elle peut lire elle-même. And not pick something on the net and believing it, saying that I have never been paying tithe, but God has been blessing me, telling me that. Et ne pas prendre quelque chose sur internet et dire que je n'ai jamais payé ma dîme. Hallelujah. Amen. Or calling pastor thieves. Ou appeler les pasteurs voleurs. I told her also that. Je lui ai dit aussi que. That if God had been blessing her. Que si Dieu te bénit. Because she talked about it. She said that God had been blessing me. Que si Dieu l'a béni. Do you know? Do you see that how we can be misled? Or we can be misled. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'on peut être mal conduit? Yeah, saying that we have been, like God is blessing us, en even though we are not obeying some of the scriptures, but God has been blessing us. God has been blessing us. It's like we are okay. Et dire que Dieu nous bénit alors que nous n'obéissons pas à certains versets. It's like we are sinning. C'est comme si nous sommes en train de pécher. And God seemed like not minding us. C'est comme si Dieu ne faisait pas attention. And it's like we are encouraged to continue in sinning. Et c'est comme si nous sommes encouragés à continuer dans le péché. I think that is a dangerous thing to do. Je pense que c'est une chose dangereuse à faire ou à penser. Because God is just patience. Parce que Dieu est juste patient. Yeah, he's just waiting to you or for you to repent. Il attend juste que tu te repentes. Hallelujah. Amen. Maybe she never experienced the devourers. Peut-être elle n'a jamais expérimenté les dévoreurs. That's why she believed that God is blessing, God is blessing. Voilà pourquoi elle croit que Dieu me bénit, Dieu me bénit. But one day. Mais un jour. But I pray for her that she repent before that day. Je prie qu'elle se repente avant ce jour. Hallelujah. Amen. So a leader who doesn't pay tithe or his offering. Donc un leader qui ne paie pas sa dîme ni son offrande. Is disloyal. Est déloyal. Hallelujah. Amen. We must pay our tithe. Nous devons payer nos dîmes. And we must pay our offering. Et nous devons payer nos offrandes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And some have resolved in their hearts. Et certains se sont résolus dans leur cœur. That anytime that they are coming to church. À chaque fois qu'ils viennent à l'église. What they will give as offering. Ce qu'ils vont donner comme offrande, it's 50 pesos. C'est 50 pesos. Or one Ghana. Ou un Ghana. Hallelujah. Amen. But we must rise up. Mais nous devons nous lever. If you want to see some blessings in your life, si tu veux voir certaines bénédictions dans ta vie, you need to give more than what you used to give. Tu dois donner plus que ce que tu avais l'habitude de donner. Hallelujah. Amen. But as I'm saying it, alors que je le dis, one thing that we must know that God is not expecting us to give more than how he has blessed us. Nous devons savoir que Dieu ne s'attend pas à ce que nous donnions plus que ce qu'il nous a donné. Hallelujah. Amen. But you can give. Mais tu peux donner. When you receive a direction straight for the Holy Spirit. Quand tu reçois une direction spécifique du Saint-Esprit. It can happen. Ça peut se passer. That's maybe you have 50 Ghana in your pocket. Peut-être que tu as 50 Ghana dans tes poches. And that's the 50 that you are planning to go through the week with. Et c'est le 50 Ghana que tu as l'intention de passer la semaine avec. But you receive a word or a conviction. Mais tu reçois une conviction. From the Holy Spirit that go and give that 50 Ghana. Du Saint-Esprit que va et donne ces 50 Ghana. Obey. Obéis. Just obey. Obéis juste. Because when you obey that voice, parce que quand tu obéis à cette voix, you see that after, tu vas voir qu'après, there will be a miracle in your life. Il y aura un miracle dans ta vie. Hallelujah. Amen. You will experience a miracle. Tu vas expérimenter un miracle. Hallelujah. Amen. So, have you been finding yourself? Non. I'm talking about those who are not paying their tithes. Est-ce que vous vous retrouvez? Je parle de ceux qui ne paient pas leur dîme. It's a sign that you are disloyal. C'est un signe que tu es déloyal. Hallelujah. Amen. As we are in this church, alors que nous sommes dans cette église, we must be a church that pays tithe. Nous devons être une église qui paie la dîme. Hallelujah. Amen. So if you don't have your tithe card yet, si tu n'as pas encore ta carte de dîme, see me after the service. Vois-moi après le service. Hallelujah. Amen. So that I will help you to get your tithe card. Afin que je vais t'aider à avoir ta dîme, you start paying your tithe. Et tu vas commencer à payer ta dîme. It's a sign of faithfulness. C'est un signe de fidélité. It's a sign of loyalty. C'est un signe de loyauté. It's a sign that you show to God that I am a loyal person. C'est un signe que tu montres à Dieu que tu es une personne loyale. Amen. Amen. Okay, the last sign. Le dernier signe. The last sign. Le dernier signe. Leaders who do not attend certain meetings. Les leaders qui n'assistent pas à certaines réunions. Attending all meetings is very important for a church members or a leaders. À assister à toutes les réunions est très important pour un leader ou un membre d'église. We have our basal meeting in our areas. Nous avons nos réunions de cellules dans nos quartiers. As a church member, en tant que membre de l'église, I believe that you belong to a cell. Je crois que tu appartiens à une cellule. And it is your duty. Et c'est ton devoir to attend your meeting every Sunday. D'assister à ta réunion tous les every Saturday. Tous les samedis. Sorry, every Saturday evening. Tous les samedis soirs. You have or it is a must. C'est une obligation. And during your meeting time. Et pendant votre moment de réunion, you have to cancel every program that you have. Tu dois annuler tout autre programme que tu as. Hallelujah. Amen. Every program that you have, you need to cancel them. Tout autre programme que tu as, tu dois les annuler. So that you attend the meeting. Afin que tu assistes à la réunion. And that shows that you are loyal towards the meeting. Et ça montre que tu es loyal or envers les towards réunions. Towards yourself. Ou envers toi-même. Hallelujah. Amen. A leader or a Christian must attend every meeting. Un leader ou un chrétien doit assister and à when we are talking réunions. About meetings, et quand nous parlons de réunions, we are talking about Sundays. Nous parlons de dimanches, des dimanches. We are talking about Thursdays. Nous parlons des jeudis. We are talking about basal meetings. Nous parlons des cellules. We are talking about Kodesh. Nous parlons de Kodesh. Going to church at Kodesh. Aller à l'église à Kodesh. We are talking about prayer meetings. Nous parlons des réunions de prière. Maybe in your cell you have a particular day that you pray together. Peut-être dans votre cellule vous avez un jour particulier où vous priez. You must be loyal. Tu dois être loyal. To that time or to that meeting. À ce temps ou à cette réunion. It is not when we have meeting that you tell your basal leader you call and you don't even call before. Et tu n'appelles même pas avant. You wait when maybe you have a meeting at 4. Peut-être quand tu as une réunion à 16h. So you wait till 4. Tu attends jusqu'à 16h. And it is at that time that you call your basal leader. Et c'est à ce temps que tu appelles ton leader de cellule. To say that I'm sorry, I have to go and pick somebody. Pour dire oh, I have to go and collect something. Pour dire oh, je suis désolé, je dois aller prendre quelqu'un ou alors je dois aller récupérer quelque chose. It shouldn't be that way. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Hallelujah. Amen. And we are saying that when the basal meeting. Et nous disons que lorsque la réunion de cellules is at 4, se fait à 16h, and you have to do something at the same time. Et tu dois faire quelque chose à la même heure. It's either you try to do it before 4. Soit tu essaies de quitter avant 16h. Or you do it after 4. Ou tu le fais après 16h. After the meeting. Après la réunion. But maybe it is an emergency. Peut-être c'est une urgence. And you have to go at 4. Et tu dois aller à 16h. You must call your basal leader before. Tu dois appeler ton leader de cellule avant 16h. Don't wait till 4 before calling. N'attends pas qu'il soit 16h avant d'appeler. Even sometimes you wait till 4:15. Et parfois tu attends jusqu'à 16h15 ou 16h20. Your leader is just watching and you are not around. Ton leader remarque juste que tu n'es pas là. And he will try to call you. Et il va essayer de t'appeler. Now you say, oh, I went to this. Tu vas dire, oh, je suis allé à ceci, cela, ceci. To Lomé. À Lomé. Alléluia. Amen. It is not a good sign. C'est pas un bon signe. That shows that you are not loyal towards yourself. Ça montre que tu n'es pas loyal envers toi-même. Hallelujah. Amen. Or there is a meeting that Pastor Sam calls us, or we have a meeting together. Par exemple, nous avons une réunion avec Pasteur Sam. And you know that you cannot come. Et tu sais que tu ne peux pas venir. And when I'm talking about you cannot come, et quand je parle de tu ne peux pas venir, I'm talking about a genuine reason. Je parle d'une raison sincère. Because most of the time, parce que la plupart du temps, our reasons are not genuine. Nos raisons ne sont pas sincères. Alléluia. Amen. So we don't come and we don't even call. Donc we nous don't ne venons send pas a message. Et nous n'appelons même pas, nous ne faisons pas de message. And at the end of the day, we don't attend meetings. Et à la fin du jour, nous n'assistons pas aux so réunions. If you are a Christian, donc si tu es un chrétien, and you don't come to church on Sunday, et tu ne viens pas à l'église le dimanche, because on Sunday, God is expecting to see you. Parce que le dimanche, Dieu s'attend à te voir. Yeah, God is expecting to see you in His house. S'attend à te voir dans. God is expecting you in His house. Dieu veut te voir dans sa maison. Oh. Hallelujah. Is it working? I'm saying that on Sunday. Le dimanche. God is expecting to see you in His house. Dieu s'attend à te voir. Oh, okay. Satan. Okay. Do you understand the French? It's not Satan. God is expecting. He's not talking about Satan. Hallelujah. Hallelujah. On Sunday, God is expecting to see you le in dimanche, His house. Dieu s'attend à te voir dans sa maison. Hallelujah. Amen. So when you are not in the house, donc quand tu n'es pas dans la maison, that shows that you are disloyal. Ça montre que tu es déloyal. Amen. Amen. It is our duty. C'est notre devoir. Coming to church, it is not. I feel like. Venir à l'église, c'est pas en fonction de ce dont tu as envie ou je n'ai pas envie. It is a duty. C'est un devoir. Of a Christian. D'un chrétien. Hallelujah. Amen. So it is your duty to attend your Basel meetings. C'est aussi ton devoir d'assister à la réunion de cellule. It is our duty to come to church. C'est notre devoir de venir à l'église. During the week. Durant la semaine. Amen. Amen. Unless there is a genuine reason. À moins qu'il y ait une raison sincère. Hallelujah. Amen. So you see. Donc vous voyez. Signs. Les signes. Are indicators sont des indicateurs to know whether you are loyal or you are disloyal. De savoir si tu es loyal ou si tu es déloyal. If you want to know about the loyalty of your brothers or your sisters or your friends, si tu veux connaître la loyauté de ton frère, de ta sœur ou de tes amis, you can just use these signs. Tu peux juste utiliser ces signes. To know whether they are loyal to de you. De savoir s'ils sont loyaux. Or they are not loyal to you. Ou ne sont pas loyaux. Watch when you are under pressure. Regarde quand tu es sous pression. Who stay around? Qui sera là? Who leave? Et qui va partir? Who stay around? Qui who va leave? Rester autour et qui va partir? When you are under pressure. Quand tu es sous pression. And when you yourself. Et quand toi-même, you are under pressure. Tu es sous pression. How do you react towards God? Comment est-ce que tu réagis envers Dieu? How do you react towards the church? Comment est-ce que tu réagis envers l'église? Do you stay at home? Est-ce que tu restes à la maison? Or will you still continue? Ou tu vas toujours doing continuer what you are doing? À faire ce que tu fais. Hallelujah. Amen. And when there is preaching going on. Et quand la prédication se déroule, we must all say amen. Nous devons tous dire amen. A sign of support. Un signe de support. A sign of agreement. Un signe d'accord. Hallelujah. Amen. A sign that we agree. Un signe que nous sommes d'accord. With our pastor. Avec notre pasteur. Or with the preaching. Ou avec la prédication. Hallelujah. Amen. And amen. And we must tithe. Et nous devons payer nos dîmes. And give our. Et donner nos offrandes. We are obeying the word of God. Nous obéissons à la parole and de Dieu. And when we don't do it, et quand nous ne le faisons pas, that shows that we are disloyal. Ça montre que nous sommes déloyaux. Hallelujah. Amen. And I believe that. Et je crois que. Loyalty. La loyauté. Will be our portion. Sera notre partage. Hallelujah. Amen. And loyalty is very, very, very, very important. Et la loyauté est très, très, très importante. And when you are faithful, et quand tu es fidèle, it will take you very, very, very far. Ça va t'emmener très, très, très loin. Hallelujah. Amen. And disloyalty will cut you off. Et la déloyauté va t'éloigner of the blessing of God. Les bénédictions de Dieu. Hallelujah. Amen. It will cut you off. Ça va t'éloigner, te séparer. You will not receive tu the ne vas pas recevoir of God. Les bénédictions de Dieu. Hallelujah. Amen. Let's avoid these signs. Évitons ces signes. There are many, many, many signs. On a plusieurs des signes. So I recommend to all of you the book. Donc je vous recommande à tous le livre. Loyalty and disloyalty. Loyauté et déloyauté. So that we learn more about disloyalty. Afin que nous apprenions plus sur la déloyauté. So that it will help us to become loyal. Afin que cela nous aide à devenir loyaux. Hallelujah. Amen. I hope that somebody is blessed this evening. Je crois que quelqu'un est béni ce soir. Can we stand up? Levons-nous s'il vous plaît. Alléluia. I want us to pray. Je veux que nous prions. Maybe as the preaching was going on. Peut-être qu'alors que la prédication se déroulait. You notice. Tu as remarqué. Some of these signs. Certains de ces signes. You find yourself. Tu t'es retrouvé. In the signs. Dans les signes. It is as I was saying that. It is something that will cut you off. C'est comme ce que je disais que c'est ça va te séparer. Of the blessing of God. Les bénédictions de Dieu. Faithfulness. La fidélité. Is rewarded. Est récompensée. And I want us to pray. Et je veux que nous prions. Ask God. Et demandons à Dieu. To help us. De nous aider. To help us to be loyal. À être loyaux. To deliver us de nous délivrer from these signs de ces signes in the name of Jesus. Nom de Jésus. So I want you to lift up your voice. Je veux que tu élèves ta voix. Ask God if you find yourself in this sign. Et demande à Dieu si tu te retrouves dans tell God that you are sorry. Et dis à Dieu que tu es désolé. That it will not happen again. Que ça ne va plus arriver. It will not happen again. Ça ne va plus arriver. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Tell God that you are turning. Dis à Dieu que tu te retournes. You are stopping. Tu arrêtes. You are making a new turn. Tu fais un retour. Because you want to be loyal. Parce que tu veux être loyal. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift up your voice. Lève ta voix. May God deliver us from this sign in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we thank you. Lift up your voice. Pray to God. Lève ta voix et prie. Pray to God. Prie à Dieu. In the name of Jesus. Ask God. Ask God. Maybe you have stopped doing something to God. Peut-être que tu as arrêté de faire quelque chose à Dieu. You were faithful. Tu étais fidèle. But because of something that happened. Mais à cause de quelque chose qui s'est passé. You have stopped being faithful to God. Tu as arrêté d'être fidèle à Dieu. Oh, this is the time. Ça c'est le moment. To come back to God. De revenir à Dieu. To come back to your first love. De revenir à ton premier amour. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because God remains God. Parce que Dieu reste Dieu. In spite of your circumstances. Malgré tes circonstances. If you didn't receive an answer. Si tu n'as pas reçu de réponse. To that request. À cette prière. He remains God. Il reste Dieu. We need to trust him. Nous devons le faire confiance. We need to trust him. Nous devons lui faire confiance. Oh, he has his ways. Et il va agir. And his ways are not our ways. Et ses voies ne sont pas les nôtres. In the name of Jesus. Amen. Ask God. Demande à pray Dieu. To God. Prie à Dieu. Pray to God. Prie à Dieu. Tell God, I'm coming back. Dis à Dieu, je reviens. You are coming back. Je reviens. To your faithfulness. À ton premier amour. In the name of Jesus. Amen. You are coming back. Tu reviens. I'm coming back. Tu reviens. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Oh, tell God. Dis à Dieu. Whatever the circumstance. Quelle que soit la circonstance, I will remain faithful. Je vais demeurer fidèle. I will not quit. Je ne vais pas quitter. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father, make your grace donne-moi ta abound. Grâce. Que ta grâce abonde. So that we will stand. Afin que je tienne. We will stand the test. Je tiens le test. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. So that we will not quit. Afin que je ne quitte pas. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because we know you. Parce que nous te connaissons. And we know that without you. Et nous savons que sans toi. We cannot do anything. Nous ne pouvons rien faire. Because we know that we need you. Parce que nous savons que nous avons besoin de toi. You are so precious to us. Tu es si précieux pour nous. Oh God. Oh Dieu. We thank you. Nous te remercions. We thank you. Nous te remercions. Thank you for your deliverance. Merci pour la délivrance. Thank you for delivering us. Merci de nous délivrer. From these signs. De ces signes. From this behavior, de ces comportements, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. But I thank you. Seigneur, merci. Thank you. Merci. That will be faithful. Nous serons fidèles. Will be faithful to you, O Lord. Fidèles à toi. Will be faithful to our church. Nous serons fidèles à notre église. Will be faithful to our pastors. Nous serons fidèles à notre pasteur. Will be faithful to our bishops. Nous serons fidèles à notre cellule. Will be faithful to our meetings. Nous serons fidèles à nos réunions. Oh, in the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Lord, we thank you. We thank you. We thank you. Send your spirit, O Lord. There's faithfulness among us in the name of Jesus. Oh, may we be loyal, Lord. May we be loyal, Lord. In the name of Jesus. May we be loyal, Lord. May we be loyal, Lord. In the name of Jesus. We will not quick. We will not quick. Lord, we will not quick. We will stand the ground in the name of Jesus. For we know you. We know the God that will save. We know you, Lord. We believe you, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, thank you for strength, oh Lord. Thank you that you are strengthening us, oh Lord. Do not quit, oh Lord. Oh, yes, Lord. Father, we thank you. We thank you. We bless you. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Okay, as we bow our head, alors que nous baissons nos têtes, we close our eyes. Et nous fermons nos yeux. If you are here this evening, si tu es ici ce soir, and you don't know Jesus Christ, tu ne connais pas Jésus Christ. If we talk about knowing Jesus Christ, en parlant de connaître Jésus, is giving your life to Him. C'est lui donner ta vie. Having a relationship with Him. Avoir une relation avec lui. Hallelujah. Becoming a child of God. Devenir enfant de Dieu. We become a child of God. Nous devenons un enfant de Dieu. And you need to become a child of God. Et tu dois devenir un enfant de Dieu. God is our creator. Dieu est notre créateur. But there is a need for us to become a newborn. Mais il y a besoin que nous devenions nés de nouveau. Hallelujah. Amen. And the Bible says that la Bible dit que unless we are born again, que nous soyons nés de nouveau, we will not see the kingdom of God. Nous n'allons pas voir le royaume de Dieu. And this evening, et ce soir, God is here. Dieu ici to deliver you, pour te délivrer from hell, de l'enfer, and you want to surrender your life et to Him. T'abandonner à lui. I want to ask you if you are here among us. Je veux te demander si tu es ici parmi nous. And you want to make this covenant with God. Et tu veux cette alliance avec Dieu. You want to give your life to Jesus Christ. Tu veux donner ta vie à Jésus Christ. I want to ask you to lift your hand. Je veux te demander de lever ta main. Your right hand, ta main droite, and we will pray together. Et nous allons prier ensemble. Hallelujah. Amen. I see your hand. Je vois ta main. Is there anyone? Y a-t-il quelqu'un who want to give his life? Veut donner sa vie. Okay, brother, come frère, forward. Viens. Can we clap for our brother? Applaudissons pour lui. Hallelujah. Nous allons prier ensemble. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas faire de la prière, ta propre prière. Alléluia. Et il faut croire à ce que tu es en train de dire. Alléluia. Parce que la Bible dit que si nous croyons, alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, merci de ce que tu es venu sur cette terre. Et tu as donné ta vie pour me sauver. Ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. Et ce soir, alors que j'ai su que tu as versé ton sang pour me laver de tous mes péchés, je t'invite dans ma vie ce soir. Viens, Seigneur, entre dans mon cœur. Tu as dit que si je crois et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur, je serai sauvé, je serai justifié. Seigneur, merci de de ce que tu me sauves ce soir. Merci Seigneur de ce que tu me justifies ce soir à cause de ton sacrifice. Merci Seigneur, je suis né de nouveau. Merci Seigneur. Seigneur, je veux te demander encore une chose. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur de ce que je suis devenu ton enfant. Je suis devenu ton fils. Merci Saint-Esprit de ce que tu as fait ton entrée dans mon cœur. Sois dans mon cœur pour tout le long de ma vie. Au nom de Jésus. Et que tout le monde dise Amen.